L'inconnu de la scène. On dit des bords de scène, douloureuses histoires, des femmes parfois si belles, glissant au désespoir. Ainsi raconte-t-on le sort de l'inconnu, qui jolie comme le jour, en ce temps du 19e, fut découverte en morte sur l'île de la Cité. La morgue étant pour elle symbole d'une autre vie, puisque d'un masque d'argile fut copié son visage. Beau visage. Jeune femme qui étais-tu, légende continue, en plastique mannequin, pour les secours modernes, faisant de bouche à bouche, lien par-delà la mort, inconnu de la scène, regardes-tu encore, dérive d'un autre temps, le chemin des vivants. Des écrits autrefois qui célébraient le fleuve comme ami du bon roi, la nymphe de la Seine étant alors promise aux fortunes et lauriers, et les êtres des eaux sans doute bien honorés. Que reste-t-il ce jour? Inconnue de la scène, fille de mémoire, dans le truchement des eaux, une onde ton sourire, malgré la grisaille, veille donc sur ce fleuve, s'il porte ton cœur, toi la beauté diaphane, jusqu'à l'heure de midi, et bien après minuit. Bien après.